petit chat noir volant. Une fanfiction d'une phrase écrite et narrée par Mia, alias Mia Kusei. Sur Lyoko, Alita ferme les yeux, s'agenouille, chante pour activer son don de création, et quand elle ouvre les yeux, elle est surprise de voir une étrange créature, une sorte de petit chat noir volant.